La Palace de Botticelli par Paul Flatt. Il faut envisager avec une certaine méfiance les dénominations par où la renommée se plaît à restreindre la manière de certains artistes fameux, et qui la plupart décèlent un tour d'esprit superficiel par trop simpliste en vérité. Défions-nous, surtout quand il s'agit d'un de ces maîtres que la mode accapara, et qui tira sa faveur soudaine des raisons les plus étrangères à son réel génie. D'ailleurs, existe-t-il, pour les réputations, deux modes différents de naître et de grandir, pour les meilleurs comme pour les pires, pour les plus justifiés comme pour celles qui doivent tout au charlatanisme? Proclamée tout d'abord par quelques voix autorisées qui le plus souvent sait en tirer parti, elles vont ainsi accrues et déformées par tant d'incompétence et de bavardage. C'est à redresser ses erreurs, à corriger ses opinions, que s'ingéniera l'effort du véritable esprit critique. Sandro Botticelli est-il dans l'histoire un nom d'artiste qui plus que lui ait marqué notre moderne culture? Léonard, peut-être. Encore nous sera-t-il permis d'en douter. Et je n'entends pas me limiter ici, notez-le bien, à cette unique spécialité de la peinture contemporaine qui va, se cherchant un style, une manière renouvelée au contact de ce génie mal connu. Ce serait restreindre son influence en de trop étroites limites. Car s'il fit délirer plus d'un artiste, il devint pour maint écrivain pareillement prétexte à divagations infinies. Depuis que les différents arts, autrefois séparés par des barrières qui semblaient infranchissables, mutuellement se pénétrèrent pour le plus grand bénéfice de chacun, au point d'en être venus à ce commerce intime que nous constatons aujourd'hui, il n'est écrivain soucieux de modernisme qui n'ait voulu dire son mot sur ce maître, d'où les plus étonnants commentaires et les plus singulières bévues. Il ne nous plairait guère de tenter l'expérience, et nous devrions nous en excuser tout d'abord si la récente découverte de cette merveille, la Palace, en nous prêtant son appui, ne nous donnait une précieuse occasion de reprendre quelques idées trop rapidement admises. On sait l'histoire de cette peinture. Comment, reléguée obscurément dans un coin par les spécialistes du métier, elle fut un jour découverte par un amateur étranger, puis finalement remise à la place d'honneur qu'elle n'eût jamais dû quitter. Quand je dis place d'honneur, entendez qu'il s'agit de son rang dans la série des œuvres consacrées par l'admiration des connaisseurs. Car lors de mon passage à Florence, elle était encore confondue parmi la foule des vilaines choses qui encombrent le palais du roi. On en connaît maintenant des reproductions. Une figure de femme, debout et drapée, avec ses complexes ornementations de feuillage cher au maître florentin, courbe le front humilié d'un centaure vaincu. Les commentateurs se hâtèrent d'y voir une allégorie représentant le génie de Florence, désormais vainqueur de la barbarie. Sans doute était-ce à la fois trop et trop peu. Quant à nous, qui ressentons un goût médiocre pour ces interprétations précises, nous les laisserons dire, et dans l'œuvre nouvelle de ce maître vieux de 5 siècles, qui si à propos vient à son heure pour redresser certaines notions trop étroites, nous nous plairons à saluer l'incarnation, nouvelle aussi, d'un symbolisme tout à la fois large et raffiné, lequel, brisant le cadre trop étroit des allégories locales et des légendes individuelles, atteint à la plus compréhensive interprétation des mythes universels. J'ai parlé de raffinement, et pourtant voici qu'il s'agit d'un primitif, ainsi dénommé par les habiles. Ah, l'étrange du prix des mots, dont les premiers nous sommes victimes. Quand donc renoncerons-nous à ces catégories créées par la routine, appellations purement factices, où longtemps nous ne sommes plus à emprisonner les tempéraments, vêtements trop étroits sous lesquels ils respirent mal? Déjà, quand il s'agissait du mystique Angelico, nous eûmes occasion de nous expliquer sur la portée du terme et sur le malentendu qu'il implique. Sachons gré à cette Palace, qui nous permet d'y revenir encore, en appuyant sur l'illusion facile des esthètes décadents qu'un irritant parti pris fit communier dans une même erreur. Aussi bien de ce Botticelli, tant exalté par de compromettants éloges, nous négligerons volontairement toutes les séductions littéraires que les auteurs se plurent à lui prêter, avec une générosité dont lui-même sans doute aurait été le premier surpris pour nous en tenir à sa véritable fonction d'artiste. Qu'une telle dénomination, primitif, soit faite pour séduire la paresse de notre esprit et notre manie ordonnatrice, en permettant d'y enfermer les tendances les plus contraires, voilà une chose bien évidente. Mais n'est-ce pas, du même coup, sa condamnation, et la raison pourquoi ne saurait s'y tenir quiconque à le plus léger souci des nuances. Nuances d'ailleurs perceptibles, non pas à l'œil des seuls initiés, mais de tous ceux encore qui ont quelque habitude de la peinture. Comment, en bonne conscience, accepterions-nous de prêter un génie similaire à des artistes qui régirent des tendances tellement opposées et qui parurent à des époques si différentes de la formation italienne, devaient nécessairement, en leurs œuvres, exprimer des besoins d'âme contradictoires. Réservons donc le terme, et gardons-nous de l'appliquer à d'autres qu'à ceux-là seulement, esprits d'ailleurs admirables par tant de points, qui nous font assister en leurs tâtonnantes expériences à la naissance même de l'art pictural et aux progressifs efforts par où nous le voyons sortir de la roideur byzantine. Faut-il des noms ? Cimabue, Giotto, Masaccio, tant d'autres, qui marquèrent le passage nécessaire, l'inévitable transition de la barbarie première à l'art véritable. Génies merveilleux, disions-nous, sans lesquels l'évolution de la peinture ne se fût sans doute pas accomplie. Il nous faut les honorer comme initiateurs indispensables. Mais de ceux qui, venant à la suite, exprimèrent pour la première fois ces besoins d'âme conscients et raffinés par où nous percevons leur prise sur nous, de ceux-là certes, nous saluons l'effort avec une admiration plus vive. Nous interrogerons l'œuvre avec une curiosité plus ardente. Et nous nous refusons à les comprendre sous la même catégorie que leurs immédiats devanciers. Au premier rang de ces maîtres apparaît Botticelli. Comment son âme consciente s'émue des préoccupations symbolistes qui tant nous retiennent à cette heure, de quelle façon vraiment merveilleuse sa main sut combiner toutes les ressources d'un art naissant, arabesques et couleurs, pour exprimer ce qu'elle voulait, et cela uniquement, voilà ce que, rapproché du restant de son œuvre, sa palace nous permettra d'élucider. Point de vue autrement intéressant, disons-le donc, que ses prétendues intentions littéraires, qui jamais n'eurent vie que dans le cerveau de ses admirateurs. Dussions-nous passer une fois pour spécialiste, voyons en lui le peintre, et ne voyons que le peintre. Il est à l'origine de toutes ces conceptions profanes, ce large et compréhensif symbolisme en qui s'affirme tel degré de raffinement que nos yeux de modernes en sont tout ensemble ravis et déconcertés. Rappelez-vous ces compositions fameuses des offices et de l'Académie de Florence. À chacune, il fallait bien donner un nom, et c'est ainsi que nous avons eu sa calomnie, son allégorie du printemps, sa naissance de Vénus, ainsi encore que nous avons eu sa palace. Mais qui ne sent aujourd'hui l'insuffisance de telles appellations, et de quelle énergie le sens profond et mystérieux de ces œuvres repousse les limites où l'on voudrait les emprisonner? Calomnie, printemps, naissance de Vénus, palace, oui, sans doute, vous êtes bien tout cela, tableau fameux sur qui l'on dispute, et qui fournirait encore matière à tant de débats. Mais n'êtes-vous point quelque autre chose encore? Et n'allez-vous pas plus avant dans notre âme que tel mythe individuel, que telle allégorie déterminée où l'on entend vous restreindre? Par là, vous marquez aussi la portée du symbolisme, qui véritablement ne nous serait de rien s'il n'entraînait nos imaginations par-delà les frontières nécessairement étroites de tels sujets circonscrits. Ainsi va-t-il de ces compositions célèbres, limitées en leur forme par les exigences du sujet, elles ne sauraient admettre, quant à leur portée, d'autres limites que celles de l'esprit en qui elles se reflètent, et qu'elles savent entraîner, pour peu qu'il y soit apte, jusqu'aux extrêmes confins du rêve. Dans la partie droite de l'allégorie du printemps, qu'exprime-t-elle donc cette grande figure de femme enveloppée d'un voile transparent qui laisse deviner les plus voluptueux contours? Qu'exprime-t-elle, sinon, l'infinie puissance de désir exalté que la nature renaissante souffle au cœur des amoureuses? Voilà qui, certes, touche profondément la part sensuelle de notre être et qui suscite en nous les associations d'images les plus troublantes. Mais ce trouble lui-même, cette inquiétude qui nous emplit, ne sont-ils pas faits surtout de l'élément mystérieux d'amour qu'une telle peinture évoque, mais qu'aucune forme précise ne saurait fixer? Voici d'autre part cette naissance de Vénus. Il est clair, pour qui la contempler longuement, que la signification profonde de cette œuvre pénètre bien au-delà du mythe qu'elle représente, et pour ma part, je ne saurais découvrir un moderne qui ait, je ne dis pas réalisé, cela est trop évident, mais seulement voulu plus manifeste symbolisme. Ce n'est point, soyez-en sûr, la naissance de Vénus, mais bien l'apparition de toute beauté sur la terre que tenta de représenter ici le peintre florentin. Enfin, pour cette récente palace, à qui les commentateurs attribuèrent une portée si précise, je ne saurais m'associer à leur dire, car dans ce noble et calme visage de femme victorieuse courbant avec sa main puissante ce front humilié, tout comme dans l'attitude de résignation soumise du centaure vaincu, il me déplaît enfermer des intentions aussi restreintes. C'est un esprit pleinement conscient que Botticelli et les moyens expressifs par lesquels il se traduit sont à la hauteur de l'invention qui les créa. D'ailleurs, nulle grande destinée d'artiste où ne s'opère cet accord. Mais en lui, ce qu'avant tout j'aime à voir, c'est comment les circonstances lui dictèrent tel parti pris d'expression toujours subordonnée au caractère des sujets traités. Je m'explique, car il me paraît que c'est un trait essentiel non souligné jusqu'à présent. Ces partis pris sont de deux sortes, intéressant la forme et la couleur. Pour la forme, il est manifeste qu'un des premiers, il est mis en valeur le rapport existant dans l'âme de l'artiste entre l'émotion intérieure des personnages et l'intensité du geste par où cette émotion s'affirme, mieux encore, la collaboration du décor entier à l'effet total. Rien n'est édifiant à cet égard comme ces compositions proprement mythiques ou symboliques. Il soumet l'arabesque à sa volonté et la plie à n'être qu'une interprète docile de sa pensée. Dans la naissance de Vénus et le printemps, il tire de l'accumulation des lignes courbes le plus surprenant effet, et le vent qui gonfle les draperies souligne des intentions qu'il serait puéril de méconnaître. L'annonciation du musée des Offices nous montre jusqu'à quel degré de valeur expressive et de signification émotionnelle peut atteindre ce geste des mains tendues en avant, traduisant ici l'humilité, l'onction sainte, l'acceptation soumise d'une volonté supraterrestre. Dans la calomnie, les statues mêmes participent à la gesticulation dramatique des personnages, et l'on dirait qu'elles vont bouger pour se mêler à l'action. Quant au sens de l'ornement, au rôle essentiel qui tiennent les feuillages et les fleurs, ce point-là fait déjà matière à trop d'abondants débats pour qu'il soit utile d'y revenir. Les feuillages décoratifs qui enveloppent les saints charmants de la palace sont en quelque façon la signature du maître, et suffiraient à faire foi de l'authenticité de l'œuvre, comme ils auraient dû suffire pour la désigner à la sagacité des connaisseurs. Plus saisissant encore que ceux de forme, les partis pris de couleur en ces diverses œuvres, et pour le moins aussi raffinés, les intentions qu'ils découvrent. Pourquoi donc observons-nous, avec une netteté qui pleinement nous édifie, que dans les compositions présentant un caractère symbolique et de dimension vaste, comme le printemps, la naissance de Vénus, la palace, le ton général est plutôt uniforme, les matières presque plates. À côté pourtant, voici des tableaux de petite dimension, tels sa Judith, ou des compositions religieuses comme son admirable adoration des mages, où la recherche et la variété des colorations atteignent aux plus prestigieux effets des Mantegna, des Bellini, des Carpaccio, de tout ce groupe des Vénitiens de la première époque, si peu connu et qui pourtant, par la qualité des matières, par la richesse des tons, par la délicatesse des valeurs, présentent en leurs tableaux d'intimité un saisissant rapport avec les petits maîtres flamands. Point de vue des plus intéressants et qui pourrait favoriser, si c'en était la place, de curieux rapprochements. Tenons-nous à Botticelli et du contraste de deux manières à ce point différentes, concluons à la volonté formelle d'employer toujours les moyens expressifs les mieux appropriés à la nature du sujet. Des intentions aussi précises, une volonté si consciente, si constamment tendue vers l'objet qu'elle poursuit, ne peuvent laisser subsister de doute sur le caractère complexe et raffiné d'une intelligence échappant aux prises des catégories, des classifications artificielles, où s'obstinent les efforts des biographes. Pour nous, il nous plaît l'envisager solitaire, isolé des groupes parmi lesquels on entendait le ranger, puisque d'autant mieux ainsi nous apercevons l'arrière-fond de sa pensée et l'évidence de ses intentions. Ainsi s'achève La Palace de Botticelli de Paul Flatt.